100% rap français. Et c'est parti juste après Difool pour la nocturne 100% rap français. C'est le gouffre au contrôle de la nocturne. Bien messieurs, je suis content de vous recevoir dans la nocturne. Ouais, merci à toi. Vous savez, la nocturne, c'est ouvert à tout le monde et notamment au gouffre, qui allez flotter avec nous. Qui est là, vous allez pouvoir aussi peut-être découvrir. Pourtant, pas nouveau non plus sur la scène rap. C'est pas un moment que ça rappe, c'est pas un moment que ça sort des projets. Le premier, c'était quoi, 2007? Ouais, 2007, ouais. 2007, la première sortie. Un petit maxi éponyme. Et puis après, je sais pas, il y a eu 2-3 apparitions. Après, on a sorti une première mixtape qui s'appelle Marche arrière en octobre 2013, où on a ramené 69 artistes de toute la francophonie européenne. Et un double CD avec beaucoup de productions de Char du Gouffre, avec beaucoup de productions aussi, avec quelques productions de Inch. On a Wild Sketch qui nous a fait tous les dessins. On a sorti un petit jeu de société à côté. Parce que c'est ça, ouais. Il y a tout un univers. À chaque fois, vous sortez des projets. Il y en a eu un en mai 2015 qui est sorti. Avec, il y avait, il me semble, des feuilles à rouler. On a fait un petit pack de survie. On a un petit Genius dans l'équipe. Il y avait un petit pack, Il y avait un bon petit pack de survie. Et puis, ce projet qui était sorti en mai 2015. Et puis là, pam, de retour. Alors, encore un projet qui est un petit peu différent. C'est Char qui s'en est peut-être un peu plus occupé. Ouais, c'est ça, en fait. Char, c'est un peu le cerveau dans le gouffre. En gros, c'est lui qui fait aussi la plupart des beats et des instrus pour le gouffre et pour pas mal de gens maintenant. Et donc là, il a sorti sa petite mixtape qui s'appelle Nous contre eux. Et en plus, la date était bien choisie, c'était le 4 décembre. Que vous 4 ça, décembre. Nous, c'est les cadeaux de Noël avant tout le monde. Il n'y avait personne en plus qui sortait le 4 décembre. Mais c'est pour ça qu'on s'est dit, on va sortir le 4 décembre. Ah bah voilà, une sortie de plus. Et donc, alors, c'était peut-être pas la plus médiatisée, mais allez jeter vraiment une oreille sur ce projet qui s'appelle Nous contre eux. Nous contre eux. Qu'on va pouvoir. En même temps, le nom portait bien pour le 4 décembre. Ah, c'est ça. Hein. C'est tout le temps, hein, le combat, il est là tout le temps. Et pareil, il y a un sacré visuel dessus. Je dis ça pour ceux qui aiment bien le support physique. Allez-vous le procurer en physique. Ouais, sketch au dessin. Un bel objet. C'est un bel objet. Avec chaque fois en plus poster, tout. Des instrus pour ceux qui veulent aussi avoir des instrus, parce que je sais que dans le rap, les gens, il y a eu une grande époque où à chaque fois il y avait des maxi qui sortaient des instrus, des acap. C'est un peu perdu. C'est exactement l'esprit du gouffre. Et donc le Charuto, il a décidé de sortir carrément avec la version instru dans le CD. Donc c'est un double CD que vous pouvez vous procurer partout sur le site du gouffre, à la Fnac. Il y a un double CD, 10€, la meilleure pub elle est là. Voilà, 10€ pour un double CD qu'on va pouvoir découvrir. Il y aura aussi du live avec vous messieurs tout à l'heure. Ouais. Est-ce qu'on attaque pour avoir un aperçu de ce que ça donne le gouffre? Alors là, on va se plonger peut-être directement dans Nous contre eux. Le soulèvement. C'est pour le gouffre, frère. Et ouais, on peut quand même dire aussi que évidemment, donc il y a le gouffre qui est un groupe à part entière et que sur ce projet, il y a aussi beaucoup d'artistes. Alors il n'y en a pas 69. Non, il n'y en a pas 69. Mais il y en a quand même une sacrée liste aussi. Hein. Ah, il y a quelques blazes qui sont là. Vous allez découvrir ça au long de l'émission. Voilà, on va pouvoir. Vous allez écouter. Vos oreilles jugeront par elles-mêmes. Allez, en coup d'envoi de cette nocturne. L'intro. Aïe aïe aïe, c'est pour le gouffre ou pas? Aïe. C'est le gouffre qui prend le contrôle de la nocturne. 100% rap français. Planète. La nocturne. Et vous flotterez aussi. En vérité, tous flottent. Le soulèvement. On est dans le sous-sol. Le sous-sol, le sous-sol. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves, toi tu crèves, toi tu crèves. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves, toi tu crèves. Il est méchant, méchant, il est méchant. Il est méchant, méchant, il est méchant. Il s'intéresse de voir en bas avec nous. Pas parce que t'as des copines qui ont eu mal au cul, ont eu mal au cul. Leur mec a essayé, ça va être pareil, ça veut rien dire, ça veut rien dire. Nous on est des professionnels, c'est notre travail. L'affreux Jojo. le soulèvement. Les chiens de la casse prennent la France en doggy style après la turlute. Paris 20ème, ramène Marianne pour qu'on la culbute. Frelon, regarde mes clips, achète mes albums. Les petits veulent plus de smarties, ils veulent des smartphones. Gros, j'aime les cougars comme zoophile. T'as cru qu'on dort, moi je suis crédit comme crocodile. J'ai craché sur le drapeau, mais j'ai mouillé le maillot. Et ouais mon gros, on les mettra tous KO. Attiré par le profit, attristé par nos vies. J'suis foncé dans le coffee, j'me fais plus de soucis. On monte pas pas de planche, on sort le pied de biche. Fuck you pay me tout de suite, j'veux pas crever riche. Pour le flouze, on se gourde de route. Sans route secours, du poison dans la gourde. C'est pour le gouffre, on se gourde de route. Sans route secours. Pour le flouze, on se gourde de route. Sans route secours, du poison dans la gourde. C'est pour le gouffre, on se gourde de route. Sans route secours. Les gyrophares ont crié qu'on finirait en taule. Et moi on peut pas s'entendre comme si j'étais Van Gogh. Ils sont bruyants, font les grossistes et les mafieux. Stéréotypes, c'est des faux types. Franchement c'est désastreux, leurs couplets m'ont désintéressé. Ils sont mignonnes comme ces poupées à qui je mets plein de fessées. Déroulez-moi le tapis rouge, bande de fiottes. Ils puent la merde, je leur déroule le tapis rose comme au shot. Les casseroles sont cuisinées par la volaille. Faut que j'aille prendre l'air à la montagne. Mon gars si à Haja, un camas, un gramme d'ash. Incapable de faire une pause, une tata grave rabat à quatre pattes dans une piole. Pour le flouze, on se gourde de route. Sans route secours, du poison dans la gourde. C'est pour le gouffre, on se gourde de route. Sans route secours. Pour le flouze, on se gourde de route. Sans route secours, du poison dans la gourde. C'est pour le gouffre, on se gourde de route. Sans route secours. Je suis un cancer, t'es un ganglion. Là-haut, je suis en concert dans les environs. Avec mon groupe. En ce qui me concerne, les mêmes positions. Voilà. C'est pour les frères qui viennent du Tchekson. Paris 20ème. Je suis instable, nos parcours sont pas symétriques. Trop de prise de risque, on a déjà tous pété un cap. Si t'as pas d'emploi et t'as le sang-froid, mais la cagoule. Je suis une bombe humaine, j'ai sauté dans la foule. Pour le flouze, on se gourde de route. Sans route secours, du poison dans la gourde. C'est pour le gouffre, on se gourde de route. Sans route secours. Pour le flouze, on se gourde de route. Sans route secours, du poison dans la gourde. C'est pour le gouffre, on se gourde de route. Sans route secours. Nous contre eux. Le soulèvement. Nous contre volume 1. Planète rap. 100% rap français. C'est en lui-même. Si, si, t'entends. Supporte pas leur vendeur ni leur dilemme. Ouais. Ils laissent les mettre en peur, supporte pas leur odeur. Alors qu'il est, écoute, j'ai mis un océan entre eux et moi. Alors qu'il est, assertis-moi ton nom, j'ai un trou de mémoire. Supporte pas leur vendeur ni leur dilemme. Ouais. Ils laissent les mettre en peur, supporte pas leur odeur. Alors qu'il est, lui-même, j'ai mis un océan entre eux et moi. Alors qu'il est, assertis-moi ton nom, j'ai un trou de mémoire. J'ai un trou de mémoire. On nous donne pas ce qu'il faut pour faire. On dit les gens te ciblent, attendent que les anges te sniffent quand tu redeviens poussière. Je veux te raconter trop de BO qui finissent mal, des faux timides qui se votent, se vautent la mort comme un rodéo. Et plus acide, morde. Le haut des tours, les gars, je les connais tous. On va pas venir faire les fous. Jurassic World, y'a des morts mais qui enquêtent. Notre tri est trop rapide et cassos. C'est que t'auras pris une passe et t'avances bien en tête. Habitué au texte grand, je monte mais d'un souffle car je t'écris le réel. Où le monde est un, les hommes se jettent dedans. J'observe le bal, ça se calanche. Mes égards stagnent, c'est le bar des fans. C'est sale, c'est sale, bal des salopes. Demande à char, on s'acharne, au départ prépare le terrain. On t'épargne mais d'abord égare les témoins à charge. Rêve que les menteurs se perdent, qui font que notre vie a moins de saveur. À leur qu'il est, de la valeur à mes mangeurs. Je supporte pas leur vendeur, ni leur dilet. Ils laissent se mettre en peur, je supporte pas leur odeur. Alors qu'il est, écoute, j'ai mis un océan entre eux et moi. Alors qu'il est, assertis-moi ton nom, j'ai un trou de mémoire. Je supporte pas leur vendeur, ni leur dilet. Ils laissent se mettre en peur, je supporte pas leur odeur. Alors qu'il est, lui-même, j'ai mis un océan entre eux et moi. Alors qu'il est, assertis-moi ton nom, j'ai un trou de mémoire. J'ai un trou de mémoire. J'ai un trou de mémoire. Le monde donne son sang à des ventes, subit ses sévices, je sais pas. Ce qui sépare, ce qui nous sépare, c'est que Dieu fait pas de service après vente. Les nerfs vont monter, ils nous respectent pas. Tu sais, tu fais, mon ghetto c'est un buffet, patate à volonté. trop le prologue, c'est trop fini son placard. Et au 3-4, rêve du Qatar, on a des cafards pour coloc. Ça deal dans les caves, prends son veille au black. Atmosphère opaque, certains marchent au crack et tapinent comme des dazes. J'ai l'attrait de la rime, Dieu soit loué. Caustique mais proscrit, profil qui marche au shit et à l'adrénaline. J'traîne avec Char, donc j'suis au bord du gouffre. C'est lancement, financement du PSG. Moi j'suis du Red Star, essaie d'être festif. Indigestif, c'est l'asic festif. J'l'esquive, m'estime comme un pestiféré. J'avance avec le vent dans le dos. En vrai, j'ai scindé les lettres et j'ai dû flinguer mes maîtres comme Django. J'suis pas leur vocodeur ni leur dilette. Ils laissent se mettre en peur, tu portes pas leur odeur. Alors qu'il est, écoute, j'ai mis un océan entre eux et moi. Alors qu'il est, vas-y, dis-moi ton nom, j'ai un trou de mémoire. Je porte pas leur vocodeur ni leur dilette. J'ai laissé mettre en peur, je porte pas leur odeur. Alors qu'il est lui-même, j'ai mis un océan entre eux et moi. Alors qu'il est, vas-y, dis-moi ton nom, j'ai un trou de mémoire. Alors qu'il est trop de voyeurs, je vois les valeurs, fil et barreur. De mon propre bateau, char, c'est H, je prépare mes faces pour les chiens, leur dîner. À la table du Valhalla, dealer au bobo et au beau parleur sûr. C'est art lui-même, art, char. À la rage, dispo. On y est, pour nos quelques jours. Allez, fais chaud ça sur le site de l'or noir. T'as pas compris, ouais. C'est nous. Ouais, c'est l'or noir, l'équipe qui monte. Pratique l'escalade, l'escalade. C'est ça, c'est ça. À l'heure qu'il est, à l'heure qu'il est, à l'heure qu'il est. C'est nous contre eux. 100% rap français. Planète Rap. La nocturne. Charles Gouffre. J'ai pas de villa dans le Var, non. Que de la grisaille dans le regard grand. J'mène la vie d'un banlieusard. La coupe est pleine, non j'ai plus de temps à perdre. J'serais plus la courte échelle à ceux qui ont marché dans la merde. Ça rêve d'évasion dans le quartier. Mon monde c'est le tour du monde avec des avions en papier. Hors système, j'ai besoin d'aventures quotidiennes. Pour faire ce que j'aime, pas moyen que j'attende jusqu'au week-end. Le bien et le mal m'ont défiguré. J'suis à la fois mon meilleur pote et mon ennemi juré. Ils ne font pas les choses, ils ne font que les simuler. C'est des films d'action, on est des films muets. J'suis qu'une pile alcaline des années 80. J'ai rouillé sous une pluie de larmes salines. À l'époque, mes devoirs s'égraillaient par le chien. Celui de la brigade canine. Pas prêt de me taire, impatient, j'battais de l'aile et ce bien avant le baptême de l'air. Canette de pierre, Sky EBR, galère de merde sur un fond de car RER. Pas prêt de me taire, impatient, j'battais de l'aile et ce bien avant le baptême de l'air. Canette de pierre, Sky EBR, galère de merde sur un fond de car RER. Règle 1, mesure tes propos, ça t'évitera des problèmes de taille et même peut-être de taille pour tes gros mots. Les loups nagent dans le sang de brebis, ceux qui jouent sur la Atlantique, t'attends vendredi. Faut pas que je dévoile tout comme dans The Full Monty. Déjà petit, je faisais peur aux monstres sous mon lit. Donc si jamais tu te sens pas bien, viens. Hache dans la main, je danse sous les larmes. Comme si j'avais du sang d'indien. Je veux inhaler l'air des collines. Mais rien ne tombe du ciel à part la pluie et les boings des sottises. Je pensais que plus tard je boufferais des langoustes. En grandissant, je constate qu'il n'y a pas d'âge pour traîner dans le gouffre. Par changer d'air, frère, et sèche des pleurs. Tu sais que t'as fait des erreurs, donc t'es pas censé l'air faire. Avance et reste. Même si l'échec fait peur, façon le match est truqué, y'a la gazeuse dans les vestiaires. Pas prêt de me taire, impatient, j'battais de l'aile et ce bien avant le baptême de l'air. Canette de pierre, Sky EBR, galère de merde sur un fond de car RER. Pas prêt de me taire, impatient, j'battais de l'aile et ce bien avant le baptême de l'air. Canette de pierre, Sky EBR, galère de merde sur un fond de car RER. La Nocturne, 100% rap français, c'est le Gouffre au contrôle de La Nocturne. Yeah. Le projet est dans les bacs depuis le 4 décembre. C'est eux aussi sont sortis. Le volume 1 de Nous Contre Eux, Char qu'on écoutait à l'instant avec ce morceau Hors Système. Hors Système, Nous Contre Eux. Char qui fait partie du Gouffre. Vous êtes combien d'ailleurs dans le Gouffre? Ah, c'est un collectif. C'est un collectif. Là, pour l'instant, on a 6 chanteurs, mais après, il y a plein de trucs qui gravitent autour. Il y a plein de gens qui sont là. C'est un collectif un peu maintenant. C'est un espèce de mouvement. Avec des gens qui s'occupent aussi du visuel. Avec voilà, plein de choses. On peut trouver des clips en tapant le Gouffre. On peut sur YouTube, il y a une chaîne YouTube, vous pouvez y aller. Il y a un site internet www.legouffre.fr. Vous pouvez les regarder, il y a plein d'artefacts, il y a plein de petits goodies pour vous faire plaisir. Ouais, vous allez voir comme les gars sont talentueux. N'hésitez pas à aller cliquer justement et découvrir le gouffre. Et puis donc ce projet qui a 10 balles, hein, je le dis. C'est ça, double CD. Double CD avec les instrus qui vont avec. Et puis comme vous avez pu vous en rendre compte, des gens différents. Donc il y a Charles là, du gouffre, mais il y avait CR lui-même aussi. On écoutait le à l'heure qu'il est. Il y a Swiftgad qui est présent. On va écouter le morceau dans un instant. Il y a Katana. Katana, on va repartir d'ailleurs avec son morceau qui s'appelle Je ne te hais point. Je ne te hais point. Katana, unité de feu. Son album, il vient de sortir là, il y a l'an dernier, là, Le Fourreau. Allez, pécho le truc, hein. Pour tous ceux qui kiffaient l'U2F, le frérot, il est revenu plus fort que jamais. Ah, c'est terrible. Le gouffre avec nous dans une grosse quinzaine de minutes. Il y aura une session live aussi à pas louper. Aïe! Aïe! C'est le gouffre au contrôle de la nocturne. Je ne te hais point. Je ne te hais point. Katana, tonton. Katana. Je ne te hais point. Je ne te hais point. Va je ne te hais point. Tu m'as lâché, va. Je ne te hais point. Tu m'as trahi, va. Je ne te hais point. T'as disparu, va. Je ne te hais point. Je ne te hais point. Je ne te hais point. Tu m'as blessé, va. Je ne te hais point. Tu m'as menti, va. Je ne te hais point. La vie t'a eu, va. Je ne te hais point. Je ne te hais point. Je ne te hais point. Vu que le malheur des uns fait le bonheur des autres, achète l'album. Tu te ferais bien collerie de ma voix. Malheur où j'écris, je sais trop bien où est l'hosto. J'y ai pas que perdu la vierge qui voulait me faire tous mes gospos. J'apprécie davantage les moments ensoleillés. Ne supporte plus ce qui donne envie d'avoir 10 ans sur les pieds. Tragique, je peux pas mentir sans que la foule se mette à rire. Si c'est pas moi qui t'ai étripé, je vais m'évanouir hors limite. Moi au moins j'essaie d'éviter les spectateurs. À chacune de mes sorties de piste, n'aie pas peur. Je voulais sauver des vies, pas les ordinateurs. Trop bon, trop con comme ceux qui ramènent leurs copines à l'heure. Là j'ai envie de rien sauf d'être un missile stinger. Le monde est cuit depuis mes tout premiers sticky fingers. Garde les bons moments, je te hais point, j'ai réalisé qu'il n'y a pas le time, on veut nous dématérialiser. Tu m'as lâché, va, je ne te hais point. Tu m'as trahi, va, je ne te hais point. T'as disparu, va, je ne te hais point. Je ne te hais point, je ne te hais point. Tu m'as blessé, va, je ne te hais point. Tu m'as menti, va, je ne te hais point. La vie t'a eu, va, je ne te hais point. Je ne te hais point, je ne te hais point. On est loin d'aller bien, et on va bien trop loin. À croire que c'est le diable en personne qui tient nos coins. Je roule des slips et ne bois pas d'eau comme Jack Sparrow. Je fais mon one man show de droite à gauche pour ceux qui me voient de là-haut. Rien ne s'est passé comme j'ai voulu, tout est plus gris que les pieds de Jésus-Christ. Les séductrices agissent comme des rustines. C'était toi et moi pour des tas de témoins. Mais va, je te hais point tant que tu marques des points. Je pars de très loin, héros du ghetto, fumant bédo sur bédo. T'es rendez-go donnant des faux numéros. Dans ma rue y'a tant d'abus que ça donne des fils de gang-bang. Hardcore comme le flic de Hong Kong. Ma forgeronne doit être fière de moi. Marre de ces fantômes du matin qui reviennent le soir. Moi je suis l'aîné, j'ai montré l'exemple en me vautrant. T'inquiète, la pluie de coups n'annonce que le beau temps. Tu m'as lâché, va, je ne te hais point. Tu m'as trahi, va, je ne te hais point. T'as disparu, va, je ne te hais point. Je ne te hais point, je ne te hais point. Tu m'as blessé, va, je ne te hais point. Tu m'as menti, va, je ne te hais point. La vie t'a eu, va, je ne te hais point. Je ne te hais point, je ne te hais point. Lèvres bulbeuses, fais ce que tu veux. J'ai compris que je n'étais pas le maître du jeu. Comme la Palestine, j'ai des voisins débiles. Ils veulent toujours m'enfermer dans une boîte d'atterrime. Je passe 35 heures devant ma feuille à répéter mes phrases comme les médias qui te vendent la peur et cachent les secrets d'état peu vénérables. Comme les flics te faisant lever les bras avant le final flash de Vegeta. Moi je me fous des effets spéciaux. Je crèverai comme ces pequeños, transversé par des épées craignos. Je m'attache en deux, c'est ça mon problème à moi. Je ne salue et plus de fois ce qu'on l'aime à moi. Tu m'as lâché, va, je ne te hais point. Tu m'as trahi, va, je ne te hais point. T'as disparu, va, je ne te hais point. Je ne te hais point, je ne te hais point. Tu m'as blessé, va, je ne te hais point. Tu m'as menti, va, je ne te hais point. La vie t'a eu, va, je ne te hais point. Je ne te hais point, je ne te hais point. Malgré les coups bas, je te hais point, y'a autre chose. Katana Iyo, le fourreau toujours dispo partout. Unité de feu. Aïe. Planète rap. 100% rap français. Yo, c'est Narvalo. Swift Dega, Narvalo. C'est moi, 93ème dimension. Moi, je suis tout seul dans la mêlée. 93ème dimension. C'est pour mon couple, pour mes fêlés. Que des légendes, parce qu'on vit dans le son. accrocheuse. Ici ma peine a trop de buzz. Un feat avec le diable et des refrains avec la faucheuse. La vie qu'elle voleuse, messieurs faites vos jeux. Tu joues, tu vas être fauché, donc faut que je décroche. Ma tête va exploser, donc fais couler le sky. Le rap on l'a exploré, donc j'ai trouvé le crâle. Les culs des faux j'ai poté, j'me défoule et j'praille. Même l'écho est coté, faut que t'écoutes mes bails. Ça fait flipper les cailles, et même les crabes à terre. J'veux pas d'un vol sur Ryanair, maintenant on veut la classe à faire. À quoi ça sert de mélanger rap avec sale affaire? À quoi ça sert que ta fille se promène la chatte à l'air? Moi j'suis tout seul dans la mêlée, 93ème dimension. C'est pour mon couple, pour mes fêlés. Que des légendes parce qu'on vit dans le son. C'est pour mes oufs, c'est qui sont faux. Rendez-vous, rendez-vous. Les madémiens ont transcellé. Pour les bâtards, j'mets des pics dans le fion. J'irai freestyle sur vos tombes avec mes yeux de vipère. Un avenir sans queue ni tête, j'te sers le rap le mieux viscère. Le mystère, c'est de savoir pourquoi j'ai le swag de Lucifer. J'suis comme dans un vaisseau spatial, c'est moi le plus barge de l'univers. J'suis pas sorti du 16 ou de la cuisse de Jupiter. J'suis accro à la rue, alors j'me fais des fixes de pure misère. Fait d'hiver et des gosses qui finissent dans une civière. Tu comprendras que j'm'en bats les couilles de leurs émissions culinaires. Et ça culmine à 9-3 sur mon échelle de Swifter. Les grands frères dans mon caniveau sont comme des maîtres Splinter. Speed est la vie comme dans un film de Spielberg. Swift c'est le fond du fond, la face cachée de l'iceberg. Moi je suis tout seul dans la mêlée, 93ème dimension. C'est pour mon goût, pour mes fêlés. Swift the gars. Les gens parce qu'on vit dans le son. C'est pour mes ouf, c'est qui sont faux. Rendez-vous, rendez-vous. Les madémiens ont transcellé. Pour les bâtards j'mets des bics dans le ma fond. Musique dans les bacs, c'est pas une arnaque téléphonique. On baisse toujours la braque avec ses matraques télescopiques. Des malbacs et des gros spliffs. Ma cavale est héroïque. Perestroïka au mic, aval, Véronique. Rhétorique sale, ma prose est assez maladroite. Sachez que moi j'm'adapte au mic. Donc lâchez-moi la grappe au sens propre comme au figuré. C'est sûr j'suis passé à la trappe. Mon gros flow va te défigurer. Ma rime va te casser la mâchoire. Vice et vertu c'est ma devise. Un peu de zetti et ça cartonne. J'bédave tellement que j'devrais même payer la taxe carbone. Ambiance Rita, les spaghettis, sauce tomate et mascarpone. J'disparais comme Brachetti, on t'a braqué comme Al Capone. Moi je suis tout seul dans la mêlée, 93ème dimension. C'est pour mon couple, pour mes fêlés. Que des légendes parce qu'on vit dans le son. C'est pour mes oufs, c'est qui sont faux. Vice et vertu, volume 2 dans les bacs. Swift Gad dans les péchos. Pour les bâtards, j'fais des pics dans le fion. J'fais des pics dans le fion. Pour les bâtards, j'fais des pics dans le fion. J'fais des pics dans le fion. C'est 9-300 gros. C'est pour mes confriers. C'est pour mon charoudos. C'est pour le goût. C'est pour le goût. C'est pour le goût. Le contre volume 1. Aïe. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Joey Cross, Buffalo, No Name toujours dispo, No Name 2.0 ça arrive. Aïe. Depuis que je rappe, vraiment je me marre. Et depuis que Laura n'aura vraiment plus trop, je sais plus vraiment ce que veut dire le mot plume. Ce que je fais la nuit, oh shit, mot tu sais bouche cousue. Mais tonight j'ai un peu bu, je suis gentiment ivre. Donc te livre quelques indices uno. Tout seul je suis le meilleur crew secondo. Meilleur club bitches, meilleur cru d'eau pure. French kiss, Jordan 6 haute couture. Tertio, coincé dans cellule. On se jure de ne plus se faire coincer. Quitte à extraire le bloc coincé dans l'enclume. Frotte-toi bien le crâne que je pense un peu dur. Il n'y a pas de génie coincé dans la lampe. Il s'agit juste d'un démon qui te braque l'oreille. La tempe te tente, l'écoute pas, sois focus. Change de portable, change de plus. Sois en alerte, change de démarche, y'a le focus. Du gramme au top volume, y'a qu'un panne pointure. 46 de la mienne, muslim nègre, charbon, je regrette dur. Shit. Besoin d'un psychiatre, je m'en remets à Dieu. Je suis content de moi, mais je peux faire mieux. J'aime la rue, tout ça, mais je préfère les E. À des masses du paradis, à 9000 lits du feu. Besoin d'un psychiatre, je m'en remets à Dieu. Je suis content de moi, mais je peux faire mieux. J'aime la rue, tout ça, mais je préfère les E. À des masses du paradis, à 9000 lits du feu. J'ai déjà vu ça, en pleine tête. Et moi les dingues, je les soigne. Maintenant fier, je parle moins mieux que les autres. J'écris mes textes à la virgule près. J'suis content de moi mais je crois que je peux faire mieux. J'suis un hustler peut-être mais pas très sérieux. J'suis un faux calme, une moitié de fou, un vrai nerveux. Cross, les balles sont neuves, le flingue super vieux. Dans ma télé trop de merdeux, sont trop cons, sont trop fiers d'eux. J'aime les gens intelligents mais pas trop fiers d'eux. J'aime les gens qui aiment les gens et ceux qui préfèrent Dieu. Je vais cross. Ce que je t'offre, Mimile, c'est une vivante musique réelle pour tuer de faits divers, parfois horribles. Si ce n'est deux, trois sportifs, très peu de success story. Clic, clic, bang, Bastos viendrait d'Estonie ou d'Ukraine. Paris, la nuit extraordinaire, je décris ce petit enfer où la réussite se rend tranquille. Génération, c'est Funties, Lakers versus Celtics. Six Hour, bien noir pour vos négros les plus sceptiques. Besoin d'un psychiatre, je m'en remets à Dieu. Je suis content de moi, mais je peux faire mieux. J'aime la rue, tout ça, mais je préfère les E. Des miles du paradis à 9000 lits du feu. Besoin d'un psychiatre, je m'en remets à Dieu. Je suis content de moi, mais je peux faire mieux. J'aime la rue, tout ça, mais je préfère les E. À des miles du paradis à 9000 lits du feu. Je deviens barge, ouais barjo, comme un G.I. Frenchie de retour d'Irak pour faire le djihad. Ma télé se fout de ma gueule, putain, faut que je pense à recharger. Je crois que l'argent m'a acheté, ou peut-être je te fais marcher. Tu pourras pas rentrer dans ma tête, même si certaines de mes pensées, tu peux les télécharger. Mon alcool s'amuse, moi c'est moins sûr. Vive la nuit c'est moins dur. C'est ce que ma drogue me conseille, ma drogue me rassure. Mais mon spliff se méfie de vous. Attends moi là je vais pécho. Nos rapports sont givrés, ma doudou blouse me réchauffe. Mes baskets sillonnent les rues et grimpent sur les parquets. Mes lunettes font de l'œil aux mignonnes. Les filles sont minces, plus qu'un reste à Boulogne. Fuck le pouvoir est ignoble. Pince moi peut-être je me réveille masqué. Pourquoi? Parce que bande de pince, c'est à vous de casquer. J'ai perdu ma bonne humeur, je mène l'enquête. J'ai tué mon optimisme par accident, j'ai une arme, tu es dans ma Rolex, c'est t'inquiète. Mon iPhone se connecte, moi je fais le mort, mais je suis honnête. J'aime de moins en moins les gens, plus je les connais. J'aime de plus en plus les infractions, plus je les commets. Oh. Joey Cross. Nous contre volume 1. Besoin d'un psychiatre, je m'en remets à Dieu. Je suis content de moi, mais je peux faire mieux. J'aime la rue, tout ça, mais je préfère les E. À des miles du paradis, à 9000 lits du feu. Besoin d'un psychiatre, je m'en remets à Dieu. Je suis content de moi, mais je peux faire mieux. J'aime la rue, tout ça, mais je préfère les E. À des miles du paradis, à 9000 lits du feu. C'est la nocturne 100% rap français. Le gouffre au contrôle avec le projet Nous Contre qui est sorti le 4 décembre dernier. Aïe, aïe, aïe. Joey Cross, c'est ce qu'on écoutait à l'instant. Buffa, Hello Soldier. Aïe. No Name, toujours dispo partout. Il y avait là, aussi le projet de Joe. No Name 2.0, ça arrive début janvier. Notre Narvalo de Montreuil, Swift Gad. C'est Vertu 2, c'est sorti aussi il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, ouais. C'est... Mitraillé, là, tout le monde a sorti ses trucs. Il était passé aussi dans la nocturne Swift Gad en dédicace. C'est donc le projet 10 balles, vous l'avez, c'est un double CD avec plein d'artistes. C'est on ça. A, on n'a pas cité tout le monde, mais il y a Zekoué dessus, il y a la Craps, il y a Paco qu'on écoutera tout à l'heure. Il y a le Gouffre, évidemment, qui est présent aussi sur ce projet. Nous contre volume 1, on va repartir avant de passer au live dans quelques minutes. C'est Est-ce ça. Qu'on peut aussi avoir des infos sur vous? Est-ce qu'on peut vous suivre sur des réseaux sociaux, les gars? Il y a le Facebook. Le Facebook du Gouffre, il y a surtout le site www.legouffre.fr. Donc legouffre.fr, ouais. Voilà, c'est ça, la chaîne YouTube, le Facebook. Vous pouvez en retrouver partout. Il y a le pack collector aussi de Nous Contre eux, vous pouvez retrouver là-dessus avec le t-shirt. Vous pouvez retrouver plein de choses. Allez voir, c'est la meilleure des pubs, on va vous freestyler. Ça sera les meilleures choses qu'on peut vous dire. Et bah c'est dans un instant, juste avant, on part sur une session extrait justement de Nous Contre eux. C'est Gabs qu'on va écouter maintenant, Monde Meilleur. C'est ça, ouais, Gabs, le Gabs. Le plus discret du Gouffre, mais un des plus balèzes. Vous allez voir. Et Gabs qui prépare aussi pareil une sortie, non, c'est ça ou... On espère, hein. On essaie de le pousser là. Mais après, c'est le Gouffre. C'est une plume compliquée, mais dès qu'il écrit au moins chaque couplet est bouillant. Monde meilleur maintenant. Yes. Un monde meilleur, on l'espère. Tu passes trop d'années à rien faire, à traîner. Nous contre eux. Gabs. Nous contre eux. Aïe. Freiner, je dois l'admettre. Je crois que je m'éloigne de celui que je dois être. On s'était promis de changer le monde. On n'arrive pas à changer soi-même. Bientôt 27, puis j'ai au compteur. Et toujours rien de précis à réfléchir pendant trop d'heures. Ouais, je me retrouve comme un imbécile, trop indécis dans mes choix. Toujours en proie à ce foutu doute, putain. Qui malgré moi mène chaque fois vers le fond du gouffre. J'y vois les années qui passent, remplir le bas du sablier. Des proches et des parents qui partent, donc j'ai plus le temps de le gaspiller. Profite de la vie, même si je sais qu'un jour aussi je partirai. Peut-être sous l'effet de l'âge, dans ce virage, un soir d'hiver. C'est peut-être moi qui choisirai d'ici là, faut que je laisse une trace. Mais pas celle ma soif d'ivresse, grosse taille, excès de pédave. Histoire de noyer la tristesse. reste, mais les problèmes restent là. J'ai récolté que les mots de tête, bref, de reconnaître que je m'égare, frère. Et je garde espoir à me répéter que je déconne par flemme. Personne n'est parfait, non, donc faut que je m'acharne à rattraper le temps, à laisser le gros ma chaise avant que la faute m'achève et que je parte les pieds devant. Alors je m'égare dans les résis et je rêve d'un monde meilleur où on serait pas à la merci de tous ces comptes traiteurs. Je devrais pas vivre d'un taf merdique où je compte les heures, où je sentirais pas tant d'âmes écrits quand je chante les cœurs. Alors je m'égare dans les résis et je rêve d'un monde meilleur où on serait pas à la merci de tous ces comptes traiteurs. Je devrais pas vivre d'un taf merdique où je compte les heures, où je sentirais pas tant d'âmes écrits quand je chante les cœurs. Je rêve pas de leur carrière à tout prix, de crever sur mon lieu de travail, étouffé par la routine, à trop serrer mon autre cravate, devoir faire genre que ça va quand on me posera la question. Enchaîner les cures de Prozac pour supporter la pression, la cruauté, l'agression de leur putain de système. Mais combien cachent des dons pour pas plus d'un smic net. L'élite se partage les ronds, refile ce qu'il reste, rédige des discours, que dis-je des disquettes. Puis trop perdre la raison, rançon de l'esclavage moderne sur le chantier de la perdition, pendant que Serapa s'observe. Mais faut grâce à je le sais, c'est que c'est plus fort que moi. Et peut-être que j'ai eu tort de croire que je trouverai la faille secrète pour m'en sortir ici bas. Pour l'instant là je stresse, espère on se brouillard d'ici bras. Que d'ici la trentaine un éclair de génie me visitera. Bref, mais parce qu'il tarde sera cette rime qui terminera ce texte. Je file ciao. Alors je m'égare dans les résis et je rêve d'un monde meilleur où on serait pas à la merci de tous ces comptes traiteurs. Je devrais pas vivre d'un taf merdique où je compte les heures, où je sentirais pas tant d'âmes écrits quand je chante les cœurs. Alors je m'égare dans les résis et je rêve d'un monde meilleur où on serait pas à la merci de tous ces comptes traiteurs. Je devrais pas vivre d'un taf merdique où je compte les heures, où je sentirais pas tant d'âmes écrits quand je chante les cœurs. Gabs, le gouffre, nous contre volume 1, dispo partout la famille. Aïe. Planète rap. 100% rap. Moi, ça m'épate de... Je me dis, tiens, mais c'est marrant quand même, les gens qui gouvernent, ils sont pas... Placéo, Narvalo, à base de verdure dans les bacs. Appêchons la FNAC, mon cousin. Ils vous demandent pas de votre avis ou vous avez pas d'avis? Qui c'est qui a un avis sur ce qu'il faudrait faire? Bon, une autre question. C'est parfois les cœurs braques, souvent les démons s'échappent. On oublie la morale et toutes les raisons du choc. Pression et lésion, taxer l'éthique sans souffle. Ça plaira l'érection, les sales perversions du broc. Fuck, fuck, fuck les élections et les élections du vote. Quand les j'avais raison, ces enfoirés font du troc. Pièce jaune tel les dents, mauvaise gestion du stock. Tu finiras sans un rond, à trop léger pour du coq. Frotte, frotte ta tête, tu peux te pour du bloc. Comment veux-tu que ça arrête la dépression du prof? La misère est par une telle est certaine région du globe. Riche ou pas c'est la merde quand on fait les fonds de culottes. Fuck, fuck ça pète, get les déchets qu'on supporte. Toi qui te poses des questions, t'espères les réponses d'une drogue. Pourquoi s'en prendre d'eau schmitt, elle s'est fait des courses sur l'ordre. Je suis ailleurs quand je cogite, les péchés m'ont vu mort. Fuck, fuck la vie, t'es en dépression tu bois. Fuck, fuck ta qui, mais les réveillons sur ça. Fuck, fuck la mi, malgré les échelons tu mords. Force, force à se mit, qui dégénère contre une boire. Fuck, fuck la vie, t'es en dépression tu bois. Fuck, fuck ta qui, mais t'es réveillons sur ça. Fuck, fuck la mi, malgré les échelons tu mords. Force, force à se mit, qui dégénère contre une boire. Fuck, comme la résine que nous émettons sur bloc. Le chiro qui grésille, comme la réception du poste. La vie peut faire mal, comme visiter le fond d'une morgue. Comme jouer avec sa femme et crier prénom d'une autre. J'avoue la vie est vache, les vrais en ont vu d'autres. Tu fais partie des vaches, car nous préférons que tu sortes. Fuck, fuck ça stoppe, tous les démons chuchotent. Tu voudrais que ça rapporte, toutes tes questions du genre. Chope, chope ta chance mec, espérons que tu sortes. La vraie lumière est-elle vraiment celle des rayons du spot? Fuck, t'attendais de l'aide, merde, essayons une corde. C'est vrai la pente est raide et comme les tétons que tu plottes. Fuck, fuck les élus, la répression du code. Stop, stop tes prévenus, pas d'exception tu sautes. Le vice les nourrit, je crois pas que c'est des ponts du propre. Le fruit est pourri, mais chaque réveillon tu crottes. Fuck, fuck la vie, t'es en dépression tu bois. Fuck, fuck ta qui, mec t'es réveillon sur ça. Fuck, fuck la mi, malgré les échelons tu mords. Force, force à se mit, qui dégénère contre une boire. Fuck, fuck la vie, t'es en dépression tu bois. Fuck, fuck ta qui, mec t'es réveillon sur ça. Fuck, fuck la mi, malgré les échelons tu mords. Force, force à se mit, qui dégénère contre une boire. Ah, c'est pour le gouffre, Rollo, gouffre, Rollo. PACO, PACO, Charotos, Charotos. Pour le gouffre, tonton. Force à celui qui dégénère contre une poire. Aïe, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. C'est pour les gaufriers, gaufriers. Rap français, planète rap. La nocturne. La classique. un craps, 42 grammes, ça arrive, 21 janvier. Je suis bien du tout, mais je kiffe que des sons de récitage, craque. Et je compte plus le nombre de titres, pour moi le son c'est vital, craque. J'essaie de garder mon éthique en faisant de véritables trash. Je souhaite à tous de quitter la street, et son héritage, craque. De toute façon, elle est pleine de vices, le chien de cam et de dingue. Je peux pas dire que c'est la belle vie, alors que les miens galèrent de dingue. Donc je lève ma canette, je trinque. Ouais, je veux bien te parler de nos échecs, je veux juste ne plus en parler zinc. Pas besoin d'un palais aux Seychelles, me mettre à l'aise, frère, on s'échère. Les mecs te parlent de plaquettes de glock, mais c'est sur nous que les tartes s'échaînent. Regarde le prix d'un paquet de clubs, approchez, je pose mes sales grosses, que des vérités dites sans tard. Approchez, je bosse, fidèle au boss, accro, même si les types sont tard. Que des pros, elles sont râles au chrome. Je redonne le moral aux pauvres, ne t'inquiète pas, c'est pas cette pile de morale. Encore à nos bois, écrit soigné, tu me verras pour bourrer en soirée. Par les couilles, tu en stupes, bosse mes couplets pour les enfoirés. Allez, couilles. Sous mon matelas, y'a pas d'Elias, mais c'est vital. Non, mec, c'est pas les favelas, mais on mène des vitards quand même. La vie, un piège à voir les miens au mitard. Mon mec, je me laisse aller, j'avoue, je vais là où la guitare m'emmène. Sous mon matelas, y'a pas d'Elias, mais c'est vital. Non, mec, c'est pas les favelas, mais on mène des vitards quand même. La vie, un piège à voir les miens au mitard. Mon mec, je me laisse aller, j'avoue, je vais là où la guitare m'emmène. Ok, mec, fais 22, j'attrape ton puzzle 5. J'ai la tête pleine, mais j'attaque mon deuxième 16. Et j'ai constaté que le destin te met hélas. Depuis 100 coups, c'est clair qu'on a grandi dans la mélasse. Mais la vie suit son cours, 42 grammes que les grosses morts à conseil. Fais pas trop d'achats, et en attendant, je te fais de la drogue sonore sur une fois d'achat. Mes potes s'acharnent et je fais de même sans espérer que ça paiera. Pas besoin de répéter, même sur une scène pétée, ça paiera. Loin d'être vu comme des messies, plutôt comme des sales draps. Tu taffes des récits MC, même si t'as des ça paiera. Ouais, j'en place une pour tous ceux qui vivent dans la dèche vitrine. On est toute l'année sur le qui vive, non pas de lèche vitrine. Un peu isolé quand je gratte, j'essaie de trouver la face, celle qui va te rester dans le crâne et te trouer la face. Je l'ai dit, si c'est de la frappe, fais vite pédale, le joint que je goûte. Cette fois-ci, c'est la crappe qui t'invite à rejoindre le goût. Sous mon matelas, y'a pas d'Elias, mais c'est vital. Non, mec, c'est pas les favelas, mais on mène des vitards quand même. La vie, un piège à loup, voir les miens au mitard. Mon mec, je me laisse aller, j'avoue, je vais là où la guitare m'emmène. Sous mon matelas, y'a pas d'Elias, mais c'est vital. Non, la mec, crappe. C'est pas les favelas, mais on mène des vitards quand la classique. Même. La vie, un piège à loup, voir les miens au mitard. Mon mec, je me laisse aller, j'avoue, je vais là où la guitare m'emmène. Je me fonce, je me laisse aller. J'accepte de souffrir avec le sourire. La classique enfoirée. 42 grammes le 21 janvier. La Craps Money Days. Allez sur le site de la classique pour préco le truc, les frères. Aïe. Planète rap. 100% rap français. J'ai vraiment envie de savoir ce qui s'est passé. Tu n'as pas à avoir peur que je m'en serve contre toi. C'est de la curiosité, disons. Ah, ça y est, je vais avoir droit à la séance de psy. Vous allez essayer de me comprendre. Alors, chapitre 1. J'ai eu des parents divorcés et pauvres en plus, ok. Vous croyez qu'on voit pas les mêmes films au cinéma? Faut pas rêver. Qu'est-ce que vous croyez? Tiens, vous allez me sauver ma famille. On me disait faux, la vie d'adulte c'est plein des problèmes. Je t'en dis pas plus gros, je viens de capter le proverbe. Quand l'amour se brise, il n'y a pas que des bouts de verre. En amitié, les chiens servent ferme, jamais le couvert. On cherche une vraie femme, ni groupe ni potiche. C'est la crise, même en galère, on reste riche de nos côtés. J'ai aucune prise, la conscience est un petit feu. C'était propice, j'ai grandi sur le terrain infectieux. Quand je dors dans la caisse, et ouais, seul le joint m'apaise. J'affronte la haine tous les soirs au plus profond de ma tête. C'est la baisse sans thune, pas question que je mette les jambes à terre. J'ai cru viser la lune, mais je crois que c'était qu'un lampadaire. Faut que je garde mon calme, car le plus dur est passé mal. J'ai des mal de crâne, sort de brûlure à l'encéphale, je perds la tête. Car même dans le futur, mes plans s'égarent, garde la pêche. Les coups durs avec le temps s'effacent. Les sentiments vibrent, je me suis coffré dans le silence. Vu les lois en vigueur, ça fait flipper quand j'y pense. Donner sa confiance, c'est dur par les temps qui courent. Faut se rendre à l'évidence, il n'y a pas que le vent qui tourne. Les sentiments vibrent, je me suis coffré dans le silence. Vu les lois en vigueur, ça fait flipper quand j'y pense. Donner sa confiance, c'est dur par les temps qui courent. Faut se rendre à l'évidence, il n'y a pas que le vent qui tourne. Cherche pas d'amis, je marche sur tes sons et fils de fer. En une nuit, je me pose les questions d'une vie entière, je vis l'enfer. J'effrite mon petit bout de paradis, la poisse et la Pâque me suis, j'attends que le vide se referme. Y'a peut-être un bug, je crois pas que j'ai choisi cette route. Une larme à l'œil quand tu vois ce que t'as pas, tu s'écoutes, personne s'écoute. Trouve-moi la chance, c'est promis, je l'épouse, chacun ses doutes. Donne-toi un sens, moi promis, je le prouve. Phonique, c'est pour le goût, frère. Le contre-volume 1 dispo partout là. Aïe, l'album du petit frère en préparation. Faudra aller pêcher ça. Les sentiments vibrent, je me suis coffré dans le silence. Vu les lois en vigueur, ça fait flipper quand j'y pense. Donner sa confiance, c'est dur par les temps qui courent. Faut se rendre à l'évidence, il n'y a pas que le vent qui tourne. Les sentiments vibrent, je me suis coffré dans le silence. Vu les lois en vigueur, ça fait flipper quand j'y pense. Donner sa confiance, c'est dur par les temps qui courent. Faut se rendre à l'évidence, il n'y a pas que le vent qui tourne. Aïe aïe aïe, char, nous contre eux, le soulèvement, volume 1. Toujours dans les pattes, mon frère. Si si. Aïe. C'est pour le gouffre. C'est La Nocturne avec le gouffre au contrôle de La Nocturne. Ça, c'était des extraits de Nous Contre Eux qui est dans les bacs depuis le 4 décembre. Allez vous procurer l'objet. C'est un bel objet en plus. C'est un double album avec des instrus, avec tout un visuel. Et puis surtout avec plein de sons à l'intérieur, comme vous pouvez l'entendre à l'instant. Un objet rare. Phonic, Silence Radio, c'est ce qu'on écoutait. Il y avait Paco aussi sur Skyrock. La Nocturne, juste avant de passer au live, messieurs, on va peut-être se replonger aussi dans le projet qui était sorti là au mois de mai, c'est ça ? L'apéro avant la galette. Qu'est-ce qu'on met comme extrait ? Qu'est-ce que vous voulez On va mettre Le Diable nous manipule, tiens. Ouais, si tu peux, hein, Le Diable. Et ben, on y va tout de suite, et puis après on attaquera le live. Galette, toujours dispo partout, premier album du gouffre. Et ça, on peut le trouver, ouais, encore partout. Ouais, partout, la famille, partout. Même si on peut cliquer tout de suite, on peut le trouver sur le net. Du gouffre, sur le net, partout. Dans un pack avec un paquet de feu. Tous les Narvalo, le gouffre. Les frères tombent dans le gouffre et n'ont pas de quoi payer la rançon. Attention, méfie-toi, avec le diable nous dansons. Si nos dents sont noircies, c'est que trop sombres sont nos actions. Mauvais garçon, je donne le maximum. Mais pas mon caleçon, mes gars sont dans le même cas et sont sans apprendre la leçon. La rue c'est un congèle et nous, on a le rôle des glaçons. Dégageons vite, ça sert à rien de faire des équations. Même un bac plus mention ne permet pas de vivre de tes passions. La poisson la connaît comme les pattes foncent dans les bas-fonds. Les anges se sentent seuls, le diable m'empêche de toucher le plafond. Je remplis mes OCP, la même façon qu'une faille canson. Mais sache qu'il n'y en aura jamais assez pour une chanson. Je pourrais dire que j'ai tout stoppé, mais je risquerais de mentir. Je dois fuir dès que j'entends les sirènes retentir. J'essaie de me repentir, mais trop de fois je suis succombé. Dès que je suis sur répondeur, mais pas de croire que je suis tombé. Le diable nous manipule, j'ai vu mon sorceller en sorcelé. Par mes habitudes qui m'ont changé en forcené. Même en temps de canicule, je vois mon cœur qui est encore gelé. Je cache mes aptitudes, je récolte ce que j'ai semé. Le diable nous manipule, j'ai vu mon sorceller en sorcelé. L'apéro avant par la galette. Habitudes qui m'ont changé en forcené. Même en temps de canicule, je vois mon cœur qui est encore gelé. C'est pour le goût, frère. Je récolte ce que j'ai semé. Le diable a fait que j'ai goûté à toutes les tentations. Que je suis passé de shooter à souffler dans le ballon. À l'heure d'ivrogne quand je rase les murs, il me donne les clés du paradis. Y'a du chewing-gum dans la serrure. Me mâche pas le travail, infernal et la cadence. Le chétan mène la danse de ma décadence. Triste théâtre, je me rate souvent au répète. À reproduire tout ce qui me souffle dans l'oreillette. Faire la prière, j'aimerais me pencher sur le sujet. Mais sa voix m'est familière et ses pensées me subjuguent. Dieu me regarde, je me dois changer à ses yeux. Pas de miracle, le paradis ne se gagne pas dans les arrêts de jeu. Le diable me guette, je me renferme comme un contorsionniste. J'ai perdu des proches à faire le con quand je m'endors sous tease. Faut que je coupe ces liens qui me raccrochent au mal. Penser à faire le bien et mettre ma conscience au calme. Le diable nous manipule, j'ai vu mon sorceller en sorcelé. Par mes habitudes qui m'ont changé en forcené. Même en temps de canicule, je vois mon cœur qui est encore gelé. Je cache mes aptitudes, je récolte ce que j'ai semé. Le diable nous manipule, j'ai vu mon sorceller en sorcelé. Par mes habitudes qui m'ont changé en forcené. Même en temps de canicule, je vois mon cœur qui est encore gelé. Je cache mes aptitudes, je récolte ce que j'ai semé. Riposte agressif ou excès de gourmandise. Le diable nous manipule, impossible projeter son emprise. Dans la rue, je traîne mes casseroles, mes vilains vieux démons. Pas le temps de couper mon rhum que les flics veulent déjà des noms. Marche tête baissée pour esquiver le sourire des gens. Hypocrite dans la foule et lâche un soupir des jambes. Comme envoûté, j'ai l'impression de perdre le contrôle. Mort dans le film, j'ai pas choisi le second rôle. Je crame mes cartes à petit feu, mes ailes à trottise. Espérant que nos projets aboutissent. La routine recommence dès qu'il claque les doigts. Avec le temps, j'ai compris que le vrai diable, malgré c'est moi. Malgré quand t'es en sorcelle, c'est quoi cette supercherie? C'est plus la danse avec le loup, le diable sort de sa bergerie. Malédiction, il est partout quand je dois me fixer des objectifs. L'alcoolisme a au débit, va me priver de mes poésies. Le diable nous manipule, j'ai vu mon sorceller en sorcelé. Par mes habitudes qui m'ont changé en forcené. Même en temps de canicule, je vois mon cœur qui est encore gelé. Je cache mes aptitudes, je récolte ce que j'ai semé. Le diable nous manipule, j'ai vu mon sorceller en sorcelé. Par mes habitudes qui m'ont changé en forcené. Même en temps de canicule, je vois mon cœur qui est encore gelé. Je cache mes aptitudes, je récolte ce que j'ai semé. C'est pour le goût, frère. Yeah. L'apéro avant la galette, toujours dispo partout. Allez, pêche ça, nos gouffreux. Aïe. Aïe. Hey. C'est la Nocturne 100% rap français. Le gouffre, l'apéro avant la galette, ça c'est dans les bacs depuis le mois de mai dernier. Est-ce qu'on va attaquer live maintenant? Vous êtes prêts, messieurs? Vas-y. Allez. Session live dans la Nocturne, le gouffre. Yeah, yeah, yeah. Nous pour contre la Nocturne, eux. Frère. Faut ok. Hey. C'est Art lui-même, Phonic. Ouais. Charpa. C'est pour le gouffre. Hey. C'est pour le gouffre, frère. Aïe. Écoute, foiré. Les cris sont brefs, les mots pas trop mâchés. On sait pas trop graffer pour fuir, on va se cartographier. Le monde dans le dos comme Prison Break. J'suis dopé comme la juve et assez mal en point. Mais toi tu sers à rien comme la Saint-Valentin ou la journée de la jupe. Décèle les signes, on nous fauche la langue et citre de balance. Avance on fait un saut de l'ange avec des ailes de cire. Même les papes ont tort, parfois se trompent aussi. Tout est possible dans ce monde de chienne, tête de saint avec le diable au corps. Pour ceux qui ont des soucis la nuit, une vie abrupte où la pute passe aux aveux, où se mange la queue du marsupilami. Me parle pas d'ABC, les greffiers sont dans les WC pour dresser l'acte de décès, t'es mort d'un AVC. Je lis en toi, je vais pas finir le bouquin. Sûr que je t'assimile, t'es pas fini, car toi t'as le feeling à Christine Boutin. Suis pas ma piste, ici les hommes se pocheronnent, ou assis prennent des pop-corn et assistent au cataclysme lui-même. Si c'est pour le coup frère, c'est pour le coup frère. T'emmènes où les stocks s'endorment. Le gouffre vient kicker en bande pendant que les auditeurs en manque réclament la drogue sonore. J'ai aucun plan de secours à part mon pute, la pomme, son fils. Mais je sais que si je la croque c'est mort. Fuck les porcs, on vient vous enfumer vos oreilles. Je compte mes torts avant de m'engouffrer dans le sommeil. Plombe mon corps à force me miner, gros je sais. Je trompe le sort, on vient ramasser tout l'oseille. Je répète c'est pour le gouffre jusqu'à la crise de foi. Pour te foncer on découpe toutes nos prises de foi. Écoute mon disque, le coup des litres de push des litres. T'as le pouce mort ou un force violet, la touche repeat. J'ai jamais eu de shot, j'ai tellement sombré. Face des quand j'ai bu, je rappe. J'suis un peu comme un cul de jatte qui prend son pied. On me dit souvent pourquoi tu jacques. Vu tout le temps que tu gâches ton album, il faut que tu lâches. Les gens sont prêts, fais-le vite. Arrête donc de te casser la tête. Tu seras fâché de l'admettre, j'suis venu gâcher la fête. Je vais lâcher la bête, enfin cacher ce mal-être. Entre schlasse et plaquettes, loin du strass et paillettes. Le message est maquette, il s'écoute attentivement. Aujourd'hui tu l'entends, ça vaut le coup d'attendre 10 ans. Pour ton rap à la con, je n'éprouve pas de sentiment. La plupart se la racontent, je les trouve attendrissants. Distant, j'suis dans ma bulle d'inspi. Je pousse à droite à gauche, t'entendras plus d'un style. J'suis dans la rue, quand je rallume un stick. Là j'écris ça dans la bulle, mon rap a plus de 15 piges. P-A-C-O. C'est pour le coup frère. C'est pour le coup frère. C'est pour le coup frère. Yeah yeah yeah yeah. 1-1. C'est pour le coup frère. Le soulèvement. Le soulèvement. Char. Yé yé yé. C'est nous contre eux, tonton. Yé yé yé, 1-1-1. C'est pour le coup frelon. Vas-y, fais fumer la drogue, histoire décupler ma force. J'plains déjà celui qui devra dépuceler ma gosse. J'ai plongé dans le gouffre, la tête la première. Les comptes aux trousses qui cessent cette transac, sera peut-être la dernière. La débrouille ne paye pas. Les frères qu'on enferme portent les bouts de Z là, comme des boules de geisha. Prends tes affaires et boule de chez moi. J'déçois ma mère, elle m'ouvre ses bras. Mais le gouffre me perdra, donc dès que je rentre tard, je marche sur la pointe des pièges. Faut pas que le dard trouve des bouts de foie plein l'évier. Ta coupe de rembarge, car à force d'être plein d'aînés. Il se met à bouger tout seul comme ma sorcière bien aimée. Mes peines la den ont un œil de lynx. Ni pas devant Belkacem ou il te pètera le zen. T'auras une gueule de sphinx. J'avance en pensant qu'il faut que je contrôle mes pulsions. Mais comment perdre ce penchant pour l'autodestruction. J'agrippe le mic mais pas addict au marque. Et leur paradis acquitte le mac. Abdique abrite le mal. J'ai pas ma bible mais ma team arbitre le match. Du cascarlatine et tout platine juste pour la petite remarque. J'ai le seum et il est dark comme la clique dans le clip de Nac. Ton équipe de Nas, man, c'est pas mes beats de Nas. Qui vise de liasse, pas d'éthique, mais balance des kicks pour des tripes de masse. Non, pas d'estime pour tes fils de lâche. On veut des beats et que les feats te marquent. Pas des types qui sortent des speeches comme Brad Pitt dans le film de Snatch. On t'assigne, affine le smash. Y'a ma firme dans ma ville, tes canines sont fâches. Faut que les gamines le sachent. T'es mes cras, fais tes valises, c'est mécanique. Avant que mes calibres te fâchent, sorte le calibre de slash. Tant que t'es valide, laisse d'abord, ben la weed le cache. Les soirs ça vit autant. Que ma vie, que je crache et plein de rimes anachroniques. Plein d'hymnes anachroniques. Mon texte décortique ton cortex comme une bible anatomique. Gain solide, aime le ciel, pèse le zèle. Le beat même, je le saigne. Vie en 16-9ème comme Panasonic. Lui-même. Lui-même, c'est pour le gouffre. C'est pour le gouffre, ma gueule. J'ai plus d'un tour dans ma bouteille. Le gouffre, c'est un cocktail. Essaye pas de raccrocher quand tu tombes sur un coup de tel. Putain, trop terminant en tôle. C'est laser mis dans le hall. J'viens hanter les stars avec mon permis fantôme. C'est compte en grammes. Yom quand nos cons au crâne. J'me fonce au parc quand les stars veulent défoncer nos crânes. J'm'en sors pas. J'ai dû hériter d'une chance trop calme. Si avec le jab, si si qu'on échange notre âme. J'suis toujours foncé avec taille et spliff au bec. J'sais pas. Je me crois dans une discothèque, je viens péter les tilotesses. J'y peux écrire nos textes, même sans vendre 2 kilos de 16. Je viens avec les flics aux fesses, c'est l'heure de l'apéro. Laisse tomber ta bingo, amigo. Quand je tisse trop, change les taux en bimbo. Et j'y préparé pour une destruction massive. La tisse dans des pulsions, la destruction rarie. Hey, hey, Paco. Hey, hey, hey. PACO, tonton. Ouais. Ok, ma gueule. À base de verdure. À base de verdure dans les pattes, cousin. Si, si, ok. Ok, ok. Faudrait que j'avance, c'est le problème. Je roule dans l'ombre, y'a plus le temps. Je suis comme une éolienne, je tourne en rond, je brasse du vent. Je reste en fond de classe. Faut allier, sache qu'un tal pense. Le ré grave sont là, tous battés, je tape un pas de danse. Corayas, cassos, y'a pas coup, bistrot, que j'ai soif. Casse des taux sauce, à ma grosse tripote et zoif. Arrose, y'a trop de housse, on pique grave la peau de l'ours. On grisaille à notre housse, on pillave pas l'autre source. Bamos, ici bas y'a pas la place. À la poisse, à la base. Je voulais claquer, v'là l'alliance, on pas la masse, on pas la race. On est à poil, on est pas mal à l'aise. Grâce à la gaffe, on fuit la S, on boit la tasse, à pas la vase et ça salasse. Le climat de Paname brise ta gueule. Salasse, amalgame, fils, la matrice t'accueille. Banal, amalgame, et puis assez haut le tonton. C'est pour le gouffre, c'est pour le gouffre, Rollo. Jantos, c'est pour le coup, frère. Nous contre volume 1. Ah, dispo partout. Je suis enfermé dans ma bulle, celle d'un spliff de Purple Gum. Quand je l'allume, je rentre dans un film de Tim Burton. Un litre de rhum, on pètera les dynames. Loin des histoires de baise entre Brenda et Dylan. Quel triste théâtre, ça frise le désastre. Ma clique de P4 sont pas des fils de pédiatre. Ça se bousille, bullshit, paquet de clopes. Ma santé séquestrée dans l'arrière-boutique d'un sex shop. Mon génie me dit que je vais mourir à 27 ans. Rien d'inquiétant, le gouffre gravé jusqu'à la fin des temps. Je viens de là où une plaquette découpée vaut le double. Où les gosses jouent avec des poupées vaudou. Dans les eaux troubles, on y croise des piranhas. Je ramène Jiraya à ta soirée pyjama. Mais l'image que je reflète n'est plus celle que je veux donner. J'en ai marre d'être incompris comme les sketchs de Dieu donné. C'est pour le gouffre, Rollo, lui-même. Ok, c'est à lui-même, mon pote. À la rage. Char du gouffre. Ça vient de sortir. Phonique. Pas lui-même. Ah. Ouais. Casse d'aide à Rizzo. Si, si. Puriste. Amani Days. Sacco Max. Les 10. Pensez. L-I-N-D-I-S. R-C. Nous contre eux pour le gouffre, malheureux. Ici les petites 6 ans. Raquette les croque-mitaines. Fais pas le con et viens pas nous tester. Tu risquerais bien de me détester. Normal, de toute façon, je vais le gifler juste avec mes mitaines. Lui-même. Lui-même. Qui même me suivent. Que les autres aillent se fermer. Je te le dis, moi, je peux me le permettre. Ça fait carré, attends, j'attends que le beat arrive. Il va se la prendre de toute façon, il attendra pas la rive. Si, si, c'est à lui-même ma gueule. Hein? Contre eux. Ils font durer le truc, obligé, je suis obligé de durer. Ouais, on est pas venu pour collaborer, ça fait. Ouais, 1, 2. C'est à lui-même, c'est pour le gouffre, c'est nous contre eux. Écoute ça. Ouais, 1, 2. Paco, Phonique, Arce. Écoute, ça fait. Ici les petites 6 ans. À quelques croque-mitaines, normal. De toute façon, trois claques dans ta tête avec des mitaines. J'ai déjà dit, je rentre en impro juste pour m'amuser. Faire pas me dire que je vais abuser. Obligé, tu fais de la luge et tu te la racontes beaucoup. Tu risques de te manger mon couteau cou. On a l'aura que c'est en Goku. Mais la scar attend que le gros coup. Moi je me la raconte pas et je traîne au gouffre. Normal, de toute façon, tu vas te prendre une gaufre si tu fais trop le ouf. On te l'a déjà dit, de toute façon, on te la met dans la glotte. Viens pas tester, nous oblige pas à sortir de la grotte. On était tranquille avant que tu te la racontes trop. Normal, de toute façon, maintenant tu sais qui sont les patrons. Arce, leur noir, le talent d'abord. C'est toujours les mêmes bêtes, Zeb, Crémé, Enguet. Pélé, clé, deck, vienne, get ce mal de vivre. La défaite est certaine, la dégaine et l'air. Plème, les pères, les mères, spleng. Si tu as la tâche, déterre les frères gênes. Si tu pas la rage, c'est clair les nerfs. Vu le matraquage, on est. On espère faire des thunes à l'arrache. Oh, c'est la vie, ça dure d'y arriver sans. Ici, par l'amour, se braque l'humanité, se vend. La rengaine fout des beignes, brutalise bêtement. Je crois que la coupe est pleine, j'ai plus qu'à puiser dedans. Dépasser les ports, effacer mes torts. J'ai pris le taureau par la couenne, j'avais déjà scié les cornes. Des fois, j'ai des remords, j'ai pas fait l'effort. Mes potes pour la gagne, moi je travaillais, j'ai le mort. Oh, oh, c'est la vie, ça. Toi là, tu me dis qu'il faut bosser, se poser, faire partie. D'un public pour l'oser. On sait qu'on sait d'avenir. Vu le SMIC proposé, notre oseille s'éparpille. Dur de s'y opposer. C'est la vie, ça. Toi là, tu me dis qu'il faut bosser. Se poser, faire partie d'un public pour l'oser. On sait qu'on sait d'avenir. Vu le SMIC proposé, notre oseille s'éparpille. Dur de s'y opposer. Pour le gouffre, l'eau. Et assez haut. En passe de verdure dans les packs. Nous contre eux. Ouais. Maritime dans les packs, ma gueule. Ouais. C'est pour le goût, frère. Si, si, nous contre eux, volume 1. Le soulèvement, aïe. Ça fait, ok. Aïe. Si, si, ok. Aïe. C'est pour le goût, frère. Pour le goût, ok. Eh, hey, hey. Eh. prêt de revenir. Je suis perché sur ma comète. Je lâche jamais le Mac, nous on tient demain comme une cobette. Trois gars qu'on l'instinct de poète, on est prêt pour la compète. Tu nous fous à 5 sur le grec, c'est qu'il n'y a pas encore de copec. Je marche dans la rue avec les mêmes crocs qu'un grinder. On sort des sons sur les mêmes disques freezer. C'est vrai ma bête, j'ai pas la silhouette d'un videur. Mais après la taille, je te fais les pirouettes de flipper. L'agneau me baise, me ronge, me fait pisser du foie. Ma santé, c'est comme mon verre, elle m'a glissé les doigts. Je m'endors qu'avec un bête de bœuf, du shit crémeux. Un diable dans ma tête dit si c'est chim, fais-le. J'ai plus de cœur, je m'en tape que les autres perdent. FONIK, mélange de Bender et Zoidberg. Je lève la tête au ciel pour finir, tu sais. J'espère plus rien, des étoiles à mon prédic l'échec. Tu es Albert Einstein, mes suites sont fils Franck. Après un sky, mes créatures sont vivantes. Devant le malheur, guette l'état de mes gouffriers. Alors me demande pas l'heure, je sais même pas quel jour il est. Je vois s'envoler le temps. J'espère une grève de la faucheuse, une grève de moelle osseuse à force de me faire du mauvais sang. Le gouffre, un groupe sanguin avec le cœur de la BPR. Je dois au moins dire à plus avant l'heure de la salpêtrière. Sortez les civières, je fume plus béton qu'un hippie. Je t'emmène sur la lune avec le vélo à Haïti. Seul le diable pourrait me tendre la main. C'est la touche froide et à minuit, mes gremlins voudraient prendre un bain. J'écris mes textes en pissant dans la neige. Dèche des pétards si les clients vendent la mèche. La raison qui me dit quitte le gouffre et avance. Non, y'a pas que ta meuf qui redoute les balances. Rah. Un, deux, ouais, une petite dernière juste pour la route. Ça fait, tout est sous contrôle. Si t'as des chiottes, ils sont sous ton trône. T'écoutes, chacun fout son drone. C'est des clowns, mais est-ce qu'ils sont drôles? T'es fou, c'est que les coups qu'ils comprennent. Toute cette bande de pouf, je les touche même pas. Même si les couilles sont pleines, je les touffe. Si je lui mets pas une gifle de compète dans sa drôle de bouche de comtesse, je voudrais oublier ce genre de fouf, le confesse. Ou trou du cul de plouc qui se prend pour ton chef, t'as pas idée. En mou femme, t'en prends pour ton sexe, j'aime la parité. Y'a plus de complexe ou de concept, mais de la qualité. Pour ton fief, je veux plus rappeler de vos têtes. Encore plus conquérir et plus ton texte. Fais concierge, tes parents seront fiers. Je fume ton cierge et c'est apparent. Et tu me dis qu'il faut plus qu'on teste. Pff, je veux plus me rappeler de vous. Vas-y, jette ton check, vite qu'on jette. Vous êtes pas marrant, évite ton Z. Et Gilles, s'il te plaît, sale prise de tête. Lui-même, ouais, leur noir. C'est pour le gouffre. C'est pour le gouffre, nous, ma gueule. L'apéro, marche arrière. Le fourreau. Oh, yé yé yé. Yé yé yé. C'est pour le gouffre, mon frère. C'est pour le gouffre. Nos contre volume 1. Ça mène des vite bars, j'passe son temps à rêver de big bars. Mais y'a que les vrais qui savent qu'un jour faut arrêter de big rap. Je ne dis plus de cette vie de rue, je veux lâcher le paysage. Je me dis juste, sur mon droit chemin y'avait des virages. J'y pas tard, et j'tâche de baisser le placard. Vu que trop fini sur Détroit, mais pas celui de Gibraltar. J'faiblis, j'ai pas la chance d'avoir une Jaguar. J'ai eu que le modèle réduit, j'avance avec un chat noir. V'là l'oiseau de mauvaise augure d'Alfred Hitchcock. Après Discord, j'dévoile mon côté obscur. Pas tour du monde, j'crois encore que la terre est plate. Dans le souffle d'une bombe, bien avant que la guerre éclate. Façon, je serais déjà haute part. Si on m'avait dit que ce cauchemar n'est que le fruit de mes rêves qui ont mal vieilli. Il fut un temps où l'espoir était grand. Mais la souris sur mon oreille a fait fuir ma mémoire d'éléphant. Ok, P-A-C-O. Ok, ma gueule. Hey. Le temps passe, moi j'ai besoin de coffrer. Frangin, j'aimerais bien me sauver. Je vois tes anciens spaumés, crevés en chien de lové. Les factures, les retards, les emprunts, je connais. Travail dur pour Jean Arrêt, mais en plein de sommier, enfin se poser. C'est mettre la mif à l'abri. J'assis, je parle après, car la vie me l'a appris. Je connais, mec, c'est garanti, pas de gâterie. Aujourd'hui, être honnête, ça remplit pas le caddie. C'est grave, gros, et mal barré, vu le tableau. K.O., j'ai le moral plus cramé qu'une garrot. Pas de l'eau, va palper, parler plus. Tarot, ce fardeau m'a retardé, ça m'a amené sur le carreau, j'suis largué. Ma vie a le même décor qu'hier, j'ai besoin d'air, d'or, de sortir de l'ordinaire. La tête dure, besoin de couleur et de verdure. Besoin de prendre ma part en douceur et de faire le mur. Soda, ça me rend malade, j'te l'affirme. J'espère être encore là pour le mariage de ma vie. Aïe, assez haut, tonton, c'est pour le gouffre, là. Si, si, c'est pour le gouffre, frère. Aïe, nous contre eux. 4 décembre, tonton. Volume 1, ok. On produit des CD aussi vite que de la weed d'un thé. Les sentiments, j'ai vite zappé le cœur en mode vite d'un thé. J'ai vite câblé si on me dit qu'il y a plus de cheese pour la réseau. Plus de shit en deux spiff, faut gérer ça. J'ai la sale manie de poursuivre la tendance. Ni la mouvance, t'as écouté le rap en France. Hey, le goût frais hal, au moins depuis des années. Quelqu'un veut nous clasher, je t'assure, on va désarmer. Depuis qu'on traîne sur le bitume, on veut désherber. Je m'arrangerai quand mes problèmes auront désherbé. Mais pour l'instant, c'est clair, je reste au pays ouvert. Je paye ma taille, même si mon compte est à découvert. Je vois mes couleurs nettes, mes idées sont noires. Je rêve d'un séjour au bled et de vider tout le bar.

un gros moteur. Les types voudront te faire. Ils vont remonter ton salaire. On va remonter l'employeur. On connaît pas nos peurs. On connaît peu nos pères. Tout ton rôle sans la paraffine. Tu vas pas nous faire, on sait d'où vient l'odeur. 45 gros moteurs. Les types voudront te faire. Ils vont remonter ton salaire. Nous on va remonter l'employeur. On connaît pas nos peurs. On connaît peu nos pères. Tout ton rôle sans la paraffine. Tu vas pas nous faire, on sait d'où vient l'odeur. Je l'ai qu'est, je l'ai qu'est, je l'ai qu'est, je l'ai qu'est, je l'ai qu'est. Mais moi dedans, mes chaussures brillent. Je regarde mes pieds, mais moi dedans. Que duplique, que duplique, que duplique, que duplique, oui clique. Chichi dans la végétale, quand t'aimes ce qu'ils sont précédents. Je l'ai qu'est, je l'ai qu'est, je l'ai qu'est, je l'ai qu'est, je l'ai qu'est. Mes chaussures brillent. Que duplique, que duplique, que duplique, que duplique, oui clique. Chichi dans la végétale, quand t'aimes ce qu'ils sont précédents. On reste à Marseille, Alonso Papé. PLANDAU 13015 ALONZ 2054 mamé. Je rappe depuis Jupiter, depuis là-haut. Écoute, écoute. Ils vont vouloir me couper la langue et la vendre aux enchères. Quand je parle de ce qui dérange et de ce qui nous est cher. Je côtoie des gens étranges, des gars qui tiennent le manche alors qu'ils tiendraient même pas une seconde dans un bras de fer. Alonso c'est le pseudo, Kassim pour les fumbouniens. Les pieds sur terre pour mes vrais, sinon je suis aérien. Je fume de la Marie-Jeanne, je touche pas Caroline. Et fous des familles en ruine et nous rend assassins. Environnement instable, oh ça vient des blocs. On est ce qu'on est, lui qui est pas content, nardé nos moques. Les doigts pleins de cloques, les petits vendent des chocs. Marseille c'est le bled frère, on rêve de signer à l'Inter. Et dis-moi psarté que tu me vois, j'ai de gros joues. C'est que j'ai cambriolé le rap game et tous ces bijoux. Qui veut passer au marbre, y'a que des bras cassés. Ça me critique et quand tu me vois ils viennent faire bisous. Ils savent plus comment mentir, j'apprends à les haïr. Ces hypocrites me regardent visage ébahi. Ils se demandent comment vais-je grimper le mont Sinaï. Moi j'avance avec le vent contrôlé par l'ange Mikaïl. Je peux pas tomber plus bas, après c'est l'enfer. Le paradis sous le pied de ma mère qui vit dans le terre-terre. Elle a ses habitudes, malgré la violence et l'incertitude. Elle veut pas de villa près de la mer. Et y'a de l'amour dans la misère, y'a de la misère dans l'amour. Comment contrôler une jeunesse de mammifères à Carrefour. J'ai pas de solus, à pas passer le salam à Drolux. À Kéké, j'peux te dire que nous sommes pas nés sur Vénus. J'étais au collège, j'étais disque d'or. T'es fan de voyous, les voyous sont fans de moi. Chacun sa place dehors. Soit tu rappes, soit tu deals, soit tu pries, soit tu kills. Soit tu restes, soit tu files, soit tu niques, t'es mort. 13-0-15, hein, quartier Nord-Merse, hein. Je représente, hein, Marseille dans les enceintes. Je rappe du fond du cœur, tu rappes du fond du cul. J't'ai vu dans le coin tout à l'heure, personne ne t'a reconnu. Passons aux choses sérieuses, appelle les pimpons. Je suis en 2054, ils sont au péage de Lançon. Mon public m'appelle le sang, j'transmets de l'émotion dans le son. Tu vas mal en ce moment, j'prends ta tension. Je chante comme je parle, tu parles comme je chante. Je suis pas le king, je suis ton père, donc ferme ta gueule et rentre. Les portes du succès, je les ai prises minimum à 2:30. Je vois que tu bandes, j'rappe, ça fait presque 2 minutes 30. J'affole les compteurs, gros moteur, chanteur, fraudeur. J'encule l'état ennemi avec froideur. Je porte Versace, tu portes Hummel. Tu me cherches querelle, en finesse. Quenelle, Zemel, regarde mes prunelles. Cherche pas à me faire aimer. En temps de guerre, j'allume pas le calumet. Les réseaux sociaux, c'est la gazette à Télosport. J'fais le boulot, j'embrasse ceux qui me soutiennent. Pour les autres, pas femme coulo. Je suis pas né du dernier coucher de soleil ni de la dernière pluie. Conscient qu'on va mourir, ça peut être ma dernière nuit. La concurrence espère que ce soit mes dernières rimes. Le chétan espère pas que ce soit ma dernière cuite. P-R-O-L-Y, c'est moi. Roue avant sur leur calvitie, j'patine ma foi. Font semblant de rien voir qu'on pourra pas les. Voilà. On m'appelle de prison, on me dit Kassim, découplez-moi. Aïe, je vais les mettre dans le noir sans interrupteur. J'ai le flow à K47 et ça m'affronte au cutter. Attends que je digère, je risque de vomir un rappeur. Je meurs en te faisant le doigt d'honneur, la compte ta sœur. Ouais, tu veux jouer, ils croient que c'est le Delbor. D'ici au Comore, t'inquiète, on allait jouer. On allait bécaner la drogue et les femmes et le compte à bécamer tout le macadam. En tout cas, Norican, le week-end en Espagne, madame à la junkie. Je suis installé, je suis pas un effet de mode. J'ai l'âge du Christ et j'ai fait des tubes bien avant Rick Ross. Menacer ceux avec qui vous avez grandi. Ici y'a plus de mafia, c'est pire qu'en Sicile. Tu reconnais ça, tu reconnais le grave.

bébé tu me veux s'envoler. Cherche la monnaie, on n'a pas fini de charbonner. Je te dis directement frérot, j'ai rien à peur. Dans ma tête c'est la merde. J'ai vécu la misère, c'est ce que m'a dit mon père. Papa et moi, faut vite, j'm'arrache de là. Ton fils a là le tas, toi tu crois que t'as, il ferait tout pour toi et toi tu ne le sais pas. Pour lui y'a pas de feu tas, il prend des feux bas, il fait des sepas devant la queue bas. Faut que je m'arrache dans les îles, quel bonhomme facile. Je vois qu'elle me fait des signes, pourquoi t'hésites, viens voir ma copine. On finit dans la piscine, et on finit dans la piscine, ramène la matu, pour aller la tester. Ramène la matu. Et ceux qui parlent trop sont mythos, ouais. Ils pavent qu'on y connaît. Viens devant la juge qui finit sonnette. Et devant leur pute ils font les beaux mecs. Des clients sans, des clients sans. La nuit je viscère même le marchand de sable. Moi j'ai pas souhaité finir comme ça. Mais là on finit dans le sable. On finit dans le sale, ouais, mais là on finit dans le sale. On finit dans le sale, ouais, mais là on finit dans le sale. Des kilos frappent, meilleur que ça. Moi j'ai pas souhaité finir comme ça. Mes mains ont fini dans le tas. Des kilos frappent meilleur que ça. La nuit je vis ferme me marche à tas. Moi j'ai pas souhaité finir comme ça. Mes mains ont fini dans le tas. Je voulais faire rentrer un paquet de gens rares, mais ça c'est difficile. Pour y'a ceux qui parlent, y'a ceux qui suivent, puis y'a ceux qui décident. Elles croient toutes que j'ai ses pères, donc j'ai que des missiles. Fais pas long ma chérie, rejoins dans la piscine. Dans la tête ça vend et ça fume la résine. Le shit est à quoi la dégaine de Sissi. C'est pas moi qu'on débarque. Toi sur l'est tu t'étais bon, oh, oh. Je veux pas rester en bas des bacs. Moi c'est la rue qui fait du temps, ah, ah. Tu crois que je te mens quand je te parle. Vas-y dis-moi qu'on se sépare. Dans le fond de ma tête je m'égare. Ma tête est remplie ça tu le sais pas. Et ouais. On a qu'un seul mot d'ordre, rester solidaire. Si à qui t'inquiète pas, moi j'attends qu'on te libère. Tu nous connais. Non tu piques tu fais s'envoler. Cherche la monnaie. On a pas fini de charbonner. Tu nous connais. Non tu piques tu fais s'envoler. Des kilos frappent, meilleur que ça. La nuit, je vis ferme, me marche à ta. Moi, j'ai pas souhaité finir comme ça. Les mains, on finit comme ça. Dja, à l'instant avec Ninas dans la nocturne 100% rap français. Le tout, évidemment, produit par Koulak. Ça sortira en mars sur le label Beaumaillé. XV Barbare. Ok. C'est dans les bacs, le gun ou la rose. Le gun ou la rose. J'ai vite fait le choix. Le gun ou la rose. Pour qu'on s'arrange, donne-moi un prix abordable. Le gun ou la rose. Je sais pas quoi choisir, j'y vais à l'audace. Le gun ou la rose. J'y vais à l'audace. Le gun ou la rose. J'y vais à l'audace. Le gun ou la rose. J'y vais à l'audace. Le gun ou la rose. Sont la plupart de mes proches. Les trois quarts de mes assos sont dans le business. J'suis dans la street pour remplir mes poches. Me parle pas tes galères quand tu te noies dans la tise, mec. J'suis sur le rinté, j'l'ai baisse des bleus, monsieur le commissaire. J'vais m'esquinter, j'roule un joint de bleu, laisse mon homifère. On fume la frappe, tu fumes somnifère. J'ai le produit frère et le business comme. Aucun de mes négros n'est honnête, c'est sûr. Et pour la pure, cette bitch exécute donc quelqu'un me sait sûr. Pour elle c'est triste, le monde part en couille négro donc moi je me méfie de cette vie. J'ai plus de temps à perdre donc pourquoi je me décide. Sors ce cheveu foncé, je me balade dans la capitale. Bébé ne crois pas que je t'aime, c'est juste amical. J't'accueille avec un gun et tu vois mon vrai visage. Devant ma porte à 6h, des fois j'attends la cicaille. Dis blast que ça commence à être l'hiver, j'suis toujours dans ma ville. Les meufs deviennent chelou, mon gars, faut faire attention à ta fille. À mon avis, j'crois que tu pètes à plomb parce que c'est devenu une bite. Son mec la gifle, donc tu prends ton brolic et tu fais. C'est le gun ou la rose.

cocaïne ici. Y'a la coca, ta coca, caïne ici. Y'a la coca, ta NSI. Quelques royas, tu péta, tu saignes, tu pries. Y'a la coca, caïne ici. Y'a la coca, caïne ici. Y'a la coca, ta NSI. Quelques royas, tu péta, tu saignes, tu pries. Y'a la coca, caïne ici. Y'a la coca, caïne ici. Y'a la coca, ta NSI. Quelques royas, tu péta, tu saignes, tu pries. Coke, de shit, lias, de 20 E dans les poches. Voici ma manière de venir leur faire les poches. Charognard, j'ai commencé par vendre de la semée. Patricard, pourtant j'ai vu tes frères tomber et sortir. Pas de loisir à part cette fucking promenade. Des colis, on voit comme des grenades. Des bolis, chargés, ouais c'est Hamar. J'joue pas avec ma folie, ma conscience va sortir le pétard. Heureusement qu'on fume, ça nous casse. Pourtant c'est plus facile de faire du mal que du bien. Tant qu'il y a de la substance, on est à foncer comme jamais. Jamais. Y'a la coca, caïne ici. Y'a la coca, caïne ici. Y'a la coca, ta NSI. Quelques royas, tu pétas, tu saignes, tu pives. Y'a la coca, caïne ici. Y'a la coca, caïne ici. Y'a la coca, ta NSI. Quelques royas, tu pétas, tu saignes, tu pives. Y'a la coca, caïne ici. Y'a la coca, caïne ici. Y'a la coca, ta NSI. Quelques royas, tu pétas, tu saignes, tu pives. Y'a la coca, caïne ici. Y'a la coca, caïne ici. Y'a la coca, ta coca, ta NSI. Quelques royas, tu pétas, tu saignes, tu pives. Boulette de 40 E. J'ai des polos au RSA. Meilleur chemin que la peu pour atteindre le RS4. Forte odeur, connaisseur connaît, pas besoin de départ. Le pico pico sonnant, cliffé ce qu'il sommeille, me fait sortir tard dans la nuit. Le goût du fric me fait prendre des risques. Je fais pas comme eux, j'ai arrêté les 10. Pour vendre des disques, emmerder les schmitts, fermer des gueules, remplir des bifs. Y'a la chiquette, la cuillère, l'emballage. La mort se fend dans les barrages. Ça force des portes et les barrages, viscères et s'arrache. Colère et couche lasse. Misère et coup de crash, j'oublie sur mon cross ou sur une paire de nibards. Je remets ça encore, c'était que la première mi-temps. Y'a la coca, caïne ici. Y'a la coca, caïne ici. Y'a la coca, ta NSI. Quelques royas, tu pétas, tu saignes, tu pives. Y'a la coca, caïne ici. Y'a la coca, caïne ici. Y'a la coca, ta NSI. Quelques royas, tu pétas, tu saignes, tu pives. La coca, caïne ici. Y'a la coca, caïne ici. Y'a la coca, ta NSI. Quelques royas, tu pétas, tu saignes, tu pives. Y'a la coca, caïne ici. Y'a la coca, caïne ici. Y'a la coca, ta NSI. Quelques royas, tu pétas, tu saignes, tu pives. Rap français 100% explicite lyrics. La nocturne. Hein? Écoute bien. À l'époque, je me souviens, j'avais rien. Mon chien de soir au matin, j'ai pas combien, mais on était plein à squatter ce putain de terrain. À squatter ce putain de terrain. À squatter ce putain de terrain. De compte être humain, pour être malin, un peu gueudin. On sait que la fin, je suffis les moyens. En plus, ça craint, fils de tapin. Les gamins, on plonge dans le mauvais chemin. On plonge dans le mauvais chemin. On plonge dans le mauvais chemin. Y'a plus de copains, trahis pour un peu d'oseille. Une grosse putain. Depuis mes 9 ans, rien n'a changé. Y'a pas la brigade des stupéfiants qui rêve de nous loger. Moi, j'suis qu'un putain de délinquant. Trop de fer veulent me piéger. C'est triste, mais pourtant, j'leur donne. Tu croises les inspecteurs, n'aie pas peur et préviens.

dose au maximum. Original MC Sam Kerry, y'a plus Rip Hop Junkie. Microphone aiguisé, dédicace ouvrée. Et au monkey, j'évolue, je progresse, j'améliore mes compétences. Je m'indigance sans cesse, mais j'ai quand même des préférences. Je fais que d'écrire des lyrics, des putains de textes explicites. Mauvaise langue, mon ventre représente. Je lâche pas l'affaire, j'insiste. Je prise le mic, je déclencherai une révolution. On en a marre de la merde, putain, je suis pour l'évolution. C'est la nocturne 100% rap français. Il fallait forcément un classique pour finir, celui de Mauvaise Langue à l'instant, avec Malin. C'est Saga, héritier de la rue, c'était le nom de l'album. On rush la tête, on rush de la tête. Solo los posés. C'est donc fini pour la nocturne 100% rap français. Prochaine nocturne dans une semaine, à pas louper, ce sera la nocturne de Noël. Le 25 décembre, rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'être en vacances. Bon week-end pour les autres. Courage à ceux qui vont taffer aussi pendant ces périodes. Courage à ceux qui sont enfermés, ceux qui sont dans les hôpitaux. Voilà, une grosse, grosse pensée à vous. Surtout en ces périodes, on sait que c'est des moments un peu particuliers, les moments des fêtes, où on pense que tout le monde dehors fait la fête. Bah voilà, on a une pensée pour vous tous. Avec le son de Skyrock, rencard dès lundi dans Planète Rap avec Nekfeu, à pas louper. Ce sera entre 20h et 21h et toute la semaine. Prochaine nocturne, vendredi prochain. D'ici là, passez une bonne nuit. Fabuleux au contrôle. C'est parti. Skyrock is my favorite radio station. Rap et R&B non-stop. Skyrock.